le sourire aux lèvres, laisse-moi. J'suis posé sous le soleil, laisse-moi. Et ne parle pas, viens, je t'emmène dans mon rêve. J'suis avec ma reine, sourire aux lèvres, j'vois plus ta peine. J'vois tous les gens que j'ai perdus, même moi j'y crois pas, alors j'y amène. Qu'est-ce que tu vois pas, j'ai plus de mal-être, c'est fini mon cœur, t'es plus à l'aide. Même plus ça me perturbe, j'suis plus à part, y'a tout le monde qui m'aime. Pas besoin d'argent, y'a tout le monde qui m'aide. Les traîtres rigolent ce qu'ils s'aiment. Y'a pas de police, y'a pas de prison. Dans mon rêve, y'a pas de taf, pas de réveil à 6h. J'vois des boules magiques dans mon viseur. Oh, j'suis dans les nuages, j'observe tout le monde. Oh, oh, j'vois la vie en rose, tout nous habitons. J'm'en fous de ton apparence, grâce au sac Viton. J'tends le doigt, j'peux toucher Pluton. Oh, oh, oh, j'suis bien dans mon rêve, laisse-moi. Oh, oh, j'ai le sourire aux lèvres, laisse-moi. Oh, oh, oh. Posé sous le soleil, laisse-moi. C'est qu'un rêve, j'suis dans mon lit. C'est qu'un rêve, j'suis dans mon lit. C'est qu'un rêve, c'est qu'un rêve. C'est qu'un rêve, j'suis dans mon lit. Et dans mon rêve, j'suis pas fatigué. Pas de soucis, pas de comment péguer. Mais bon, si seulement c'était vrai, y'aurait pas de traître, y'aurait pas de mort. Obligé de rêver pour voir le sourire de mon frère. Au rêve, j'suis peiné, j'sais plus comment faire. J'essuie mes larmes, j'me rendors. Dans mon rêve, j'veux plus un enfer. Viens dans mon rêve. Là où tu vois quelques sous dès qu'on règne. Que de la sagesse, pas besoin qu'on se craigne. Si seulement c'était réel, je me revois tout petit en train de jouer. Je repense aux liens qui se sont noués. Je me revois tout petit en train de jouer. Je repense aux liens qui se sont noués. Oh oh oh, j'suis bien dans mon rêve, laisse-moi. Oh oh oh, j'ai le sourire aux lèvres, laisse-moi. Oh oh oh, j'suis posé sous le soleil, laisse-moi. C'est qu'un rêve, j'suis dans mon lit. C'est qu'un rêve, j'suis dans mon lit. C'est qu'un rêve, c'est qu'un rêve. C'est qu'un rêve, j'suis dans mon lit. C'est qu'un rêve, j'suis dans mon lit. C'est qu'un rêve, j'suis dans mon lit. C'est qu'un rêve, c'est qu'un rêve. C'est qu'un rêve, j'suis dans mon lit. Oh oh oh, j'suis bien dans mon rêve, laisse-moi. Oh oh, j'ai le sourire aux lèvres, laisse-moi. Oh oh oh, j'suis posé sous le soleil, laisse-moi. Y'a tout le monde qui m'aime.